Le château de Sombrehoux. Première partie. Le vent est tiède. Le vent chante. Il ne gémit plus tout le jour. Il passe par bouffées, s'arrêtant à baiser les fleurs. Ce n'est plus le temps des primes verts, des premières pousses blanches des saules. C'est le printemps de mai, la saison royale. Voyez les ruisseaux et les mares. Les poules d'eau s'en vont nageant avec leurs petits à la suite. Elles tracent des routes bleues dans la canetille verte. Les renoncules blanches font couronne. Il y a de la lumière jusqu'au fond des courants. Il y en a sur les feuilles des pins et sur l'aile des martinets qui tournent. On dirait que les choses regardent. Heureuses les bêtes qui traversent l'air, heureuses celles qui courent, car la terre est toute feuillue. Pas une faucille n'a fauché encore. Et ils sont là, pressés, mouvants, avec leurs nids et leurs chemins, les grands blés verts, les avoines, les prés en fleurs donnant l'aumône, ouvrant leurs grappes fines où le parfum s'est amassé, poudrant d'or les pattes des mouches et l'éventail des papillons. Que c'est bon d'être jeune et de galoper dans la campagne libre quand les vieux eux-mêmes sont réjouis et qu'il n'y a point de si étroite fenêtre par où n'entre une feuille de rose. Il enroule jusque sous les lits. Le vent emporte des trésors. Oh, les petits, courons dehors et ne rentrons qu'avec la nuit. Le printemps passe. Cette chanson-là, ou quelque chose d'approchant, m'emplissait toute l'âme lorsque mai revenait. Pour l'entendre mieux, pour la renouveler aux sources vives, je sortais dès le matin. Je rentrais le moins possible. Elle avait des couplets sans fin. Souvent, j'emmenais ma sœur, et, comme il eût été singulier de dire « Nous allons voir mes triomphants », comme ce sont là des raisons que les enfants ne définissent pas, nous disions « Le temps est beau pour la piper dans le grand bois. Qu'on ne sonne pas trop fort la cloche, elle nous a empêchés de prendre la dernière fois. » Nous voici donc dans le grand bois, sans noisetiers, sans baliveaux de frêne, autant de petits chênes mêlant leurs branches. C'était comme un bois à deux étages, ayant des tiges de haute futaie et, par-dessous, de grosses touffes vertes où les noisettes venaient mal, mais où les oiseaux abondaient. La cabane était au milieu, faite avec des fagots d'épines. On y trouvait un banc de mousse où, pour dire vrai, la mousse apportée par poignée ressemblait à de vieux foins. Un sac de toile plein de gomme récoltée sur les abricotiers et sur les cerisiers, et une fenêtre au fond pour surveiller l'étendue. Il fallut bien une heure pour délayer la gomme, fabriquer les gluaux, les poser sur les basses branches des frênes et des chênes voisins. Puis la chasse commença, la pipée résolue. Nous étions dans l'abri, la petite à côté de moi, soufflant à tour de rôle entre les deux lames résistantes d'une feuille de lierre pliée. « Ne nous lassons pas de souffler, » disais-je avec autorité. « Il vient toujours quelque chose à la pipée. » Le jardinier me l'a assuré, et j'ai vu chez lui des sansonnets qu'il avait pris de la sorte. Un bruit qui n'avait point d'analogue et qui tenait le milieu entre le sifflement d'une couleuvre et le miaulement d'un chat sortait alternativement de chacune de nos feuilles de lierre. Dès le début, il y avait eu quelques mouvements d'ailes dans les cépés, des oiseaux qui s'envolaient, et j'avais expliqué « Ce sont les espèces qui ne répondent pas, les autres vont venir. » Rien ne venait. Nous étions rouges. Elle encore plus que moi de l'effort prolongé. Celui de nous deux qui s'arrêtait passait la tête par la lucarne et regardait. Que c'était doux. Un déluge de lumière sur le vert tendre des bois, de larges gouttes dorées qui ruisselaient sur les troncs lisses, tournaient autour des brindilles, descendaient en cascade à travers les étages des frondaisons nouvelles et rencontraient sur la terre les milliers d'étoiles blanches des stellaires ouvertes. Au loin, nous entendions un merle, un loriot, des mésanges. Essayant de plier la feuille de lierre en quatre, fis-je au bout d'une demi-heure, je crois que c'est plus sûr. Le bruit devint plus strident. Un gros jet en fut inquiet. Il s'approcha, sautant de perchoir en perchoir jusqu'à une distance raisonnable des gluaux. Considéra ces petits bâtons si drôlement mis en croix sur les brins de coudrier, frotta son bec deux ou trois fois d'un air défiant sur ses pattes noires et se sauva. « J'ai envie de dormir, » dit la petite. « Moi, je veillerai. N'aie peur de rien. Et peut-être qu'il viendra des oiseaux. » « Bien sûr, ma chère, mais il fait trop chaud. C'est pour le soir. » Elle s'endormit, la tête appuyée sur des fagots, ses cheveux blonds mêlés aux épines. Je retenais mon souffle pour ne pas l'éveiller. Le loriot, de loin en loin, jetait sa phrase sonore à la lisière du bois. J'allais céder peut-être à la même tentation de sommeil. Le ronflement des mouches, la chaleur lourde du soleil pénétrant les branchages de la cabane indiquaient cette heure de la sieste que les paysans appellent la mérienne. Mais un bruit singulier se produisit à gauche de la cabane, un bruit de feuilles froissées lentement, comme si quelqu'un s'approchait avec précaution. Et je vis une grande barbe blonde, puis une tête d'homme découverte, puis un col de chemise de flanelle à rayures roses qui s'encadrèrent dans l'angle de la porte, en haut. L'homme regardait curieusement, en plissant les yeux. J'avais trop lu de ces récits dont j'ai parlé pour ne pas songer aussitôt à ces surprises d'Indiens dans les savanes, quand le voyageur blanc, dans sa confiance téméraire, a négligé de faire des rondes fréquentes autour de son campement. Je pâlis. J'étais sans armes et je répondais de ma sœur. Au moment où je me levais, les épaules de l'inconnu bouchèrent l'ouverture de la porte et il entra, courbé en deux. « Ah, mon Dieu !» cria la petite en s'éveillant. Et elle cacha sa figure dans ses mains. J'essayai de la rassurer, comprenant que la diplomatie pouvait seule nous tirer d'affaire. « C'est une visite, » lui dis-je. « En effet !» « Une visite de voisin, mon jeune ami, » dit la barbe blonde. « Je m'étais écarté des limites ordinaires de mes promenades. Je vous ai entendu, et j'ai voulu voir. Vous pipez ?» Nous le considérions tous deux avec un sentiment d'effroi qui diminuait à chaque coup d'œil. L'homme avait l'air très comme il faut, des vêtements de chasse vert bouteille, des guêtres, une chaîne de montre, un fouet à manches courts. Il souriait. Sa barbe, que j'avais cru blonde, était très mêlée de poils blancs et soignée, lisse comme une chute de moulin. Mais le soupçon qu'il pouvait appartenir à quelque corps ignoré de garde forestier me tenait à présent. Pourquoi venir troubler des enfants qui pipent ? Oh, monsieur, c'est pour nous amuser. Nous ne prenons rien. Si j'avais un oiseau, je vous le donnerais. C'était déjà la tentative de corruption de fonctionnaire. Il se mit à rire tout à fait. « Vous ne savez pas, » dit-il, « je vais vous apprendre à piper. Tenez, sortez de la cabane, qui est décidément trop petite pour mon grand corps. Nous nous cacherons derrière un noisetier. Surtout, n'ayez plus peur de moi. »« Oh non, monsieur !» Comment une pareille idée pouvait-elle lui traverser l'esprit ? Avoir peur d'un homme qui se propose de nous apprendre à piper, qui n'est pas garde champêtre, pas garde forestier et qui rit, et qui a une chaîne d'or. La petite elle-même était redevenue rose. Quand il se fut redressé, je vis qu'il était très grand et de belle mine. Sa manche, en remontant, laissa paraître un bouton d'argent orné d'une couronne comtale. Il nous emmena derrière une cépée, nous fit nous agenouiller, s'agenouilla lui-même et se courba par surcroît. Puis, soufflant sur une feuille de lierre, il en tira un tout autre son que nous n'avions fait. Dès les premiers appels, le loriot s'effaroucha et partit à l'aventure. Le jet se rapprocha. Un merle répondit en égrenant toute une vocalise. Des rouges-gorges sifflèrent en vingt endroits, d'un ton interrogateur pour se demander « Qu'est-ce ceci ?» Et une couple de grives de haies, fanfaronnes, se mirent à jacasser comme pour dire « Faut y aller, faut y aller !» Elles ne vinrent cependant qu'avec prudence, par petits bonds, n'avançant que d'un chêne à chaque fois perché sur la plus haute branche et les pattes frémissantes. Le plus confiant fut un oiseau que nous n'avions jamais rencontré, de plumage triste et qui semblait fasciné par le chant lamentable du lierre. Il est descendu, inquiet, les ailes pendantes, de branche en branche, tout l'escalier d'un baliveau de hêtre, sauta sur le noisetier fatal, se posa sur un gluau et aussitôt voulut s'envoler. Mais les pattes étaient prises. Les ailes le furent bientôt, et nous nous élançâmes en criant « Viva !» pendant que la petite bête tournoyait, entraînée par le poids léger du bâton, et tombée sur la mousse. Je la coiffai de mon chapeau, et, triomphant, je la rapportai à l'inconnu qui n'avait pas bougé. Quel curieux homme, cet ami qui savait piper! Il caressait sa grande barbe et nous regardait alternativement de ses yeux bleus. Même en jouant de son appeau, il nous regardait et il souriait comme s'il eût été content de chasser au gluau. Il prit l'oiseau, le détacha du brin d'osier tout couvert de plumes grises et le remit vivant dans la main de la petite. « Mademoiselle, vous avez la main heureuse comme une fée. Voyez, c'est un oiseau rare et délicieux, un ortolan. Cela chante en cage, rôti avec une feuille de vigne pour l'enveloppe, c'est un mets de roi. Oui, vraiment, vous êtes une fée. Quel âge avez-vous, mademoiselle la fée ? 8 ans, monsieur. Vous vous trompez, on leur croit un âge et elles n'en ont pas. Elles sont très aimables quand elles veulent bien, comme vous, se montrer aux vieilles gens. Je n'en connais qu'une qui est vieillie, mais vous ne ferez pas de même, n'est-ce pas? Quelle bonne idée j'ai eue de m'égarer! Dites-moi, mes enfants, vous promenez-vous souvent? Allez-vous loin? Connaissez-vous le domaine de Sombrehou, là où les chênes ne sont jamais abattus? Oui, monsieur, dis-je, en désignant l'horizon. C'est dans le bleu. J'habite là, dit l'inconnu, et si vous, mon jeune ami, et vous, mademoiselle la fée, voulez bien venir y piper des oiseaux, je vous promets la plus belle chasse que vous puissiez rêver. Il nous interrogea longtemps encore, sans souci de ce que nous répondions, se plaisant à nous faire causer et rire, surtout à faire rire la petite, dont la voix claire s'en allait pour un rien qui l'amusait en fusée claire parmi la coudraie. Le soleil baissait un peu quand il nous quitta. Nous vîmes son costume vert, qui semblait doré dans la lumière, disparaître et reparaître dans les lointains des bois. Il se retourna une fois, deux fois, trois fois, pour nous saluer de la main. La dernière chose que nous aperçûmes de lui, ce fut son sourire, qui était bon et un peu triste, et sa main qui disait adieu. Quand il fut tout à fait loin, hors de nos yeux, hors de nos voix, la petite se mit à rire en branlant la tête. « Est-ce drôle ? » fit-elle. « Il n'avait rien à nous dire, le monsieur. »« C'est vrai. »« Il était vieux, sais-tu ? » ?»« Oh oui, avec du blanc dans la barbe. »« Pourquoi est-il venu ?» Je demeurai embarrassé, ne trouvant rien. « Eh bien, reprit-elle, il est venu pour moi, et j'irai volontiers, si père le permet, lui rendre visite à Sombrehou. » Le château de Sombrehou, deuxième partie. Elle ne s'était pas trompée. Nous fûmes conduits au château de Sombrehou, non pas cette année-là, mais tout au commencement de l'autre, en janvier, 6 mois après la visite que nous avions reçue dans notre cabane de pipée. Il avait neigé, et la neige était restée sur la terre. Les nuages étaient remontés, eux, et on les voyait très haut dans le ciel, immobiles, tendus d'un bord à l'autre de l'horizon sans une coupure. « Ils nous ont laissé tout leur blanc, disait la petite, et maintenant les voilà tout gris. » La campagne était blanche, en effet, à perte de vue. Le dessus des barrières, les arêtes des talus, les pignons des toits avaient un bourrelet qu'on eût dit composé de duvets de cygne. Les dernières feuilles résistantes, celles des ronces et des chênes rouvres, portaient une petite pelletée de neige que, parfois, frissonnante, elle laissait tomber en poussière sous les roues de la voiture. Alors, elle se redressait, se secouait un peu, et dans l'étendue claire, c'était le seul mouvement avec celui du cheval qui trottait. Ces temps-là, vous le savez, sont des heures de sommeil et de rêve. Nous allions sans bruit. La route avait l'air toute neuve et faite pour nous, n'ayant pas une trace de pas ou de charrette. Dans les bourgs, on apercevait des têtes de gamins derrière les vitres et plus de fumée bleue que d'habitude au-dessus des cheminées basses. Autour des seuils seulement, les moineaux, qui sont de fins brodeurs, avaient, avec leurs pattes, dessiné des centaines d'étoiles. Ils mendiaient à leur façon. Nous jetions du pain de temps à autre. Le cabriolet passait, et la campagne s'ouvrait de nouveau, plus douce à l'œil que le ciel, et dormante comme lui. En approchant du château, qui se trouvait à environ 3 lieues de la maison par la route, des futaies commencèrent à se dresser de tous côtés, sombres à la base, coiffées en haut des grêtes blanches qui luisaient. Les arbres n'étaient point clairsemés, mais serrés en masses profondes, où l'on devinait que la hache n'entrait pas souvent. Couverts de feuilles, au mois d'été, comme ils devaient chanter. Nous venions, paraît-il, pour traiter de la vente de quelques chênes que M. de Sombrehoux se proposait d'acheter à mon père. « C'est curieux, dis-je, qu'on achète des arbres quand on en possède tant. » « M. de Sombrehoux n'abat jamais les siens, » répondit mon père. « C'est un original et un homme d'une rare bienfaisance. Son parc est la providence des chercheurs de bois mort. Regarde. » Nous entrions dans une avenue fermée d'une simple barrière à claire-voie, dont la peinture défraîchie semblait jaune sur la nappe immaculée qui couvrait le sol. Mais quel beau luxe d'arbres! Des chênes d'au moins 100 ans, noueux, étendaient au-dessus de l'allée leurs branches pareilles à des arbres elles-mêmes, et librement dirigées par cette force qui les dompte et les plie. Un rayon de soleil. Quelques-unes étaient si basses que la capote de la voiture les effleurait au passage. D'autres s'avançaient pour les couvrir. À toutes les hauteurs, la sève cherchait le jour et lançait des rameaux. Cette voûte ajourée, comme en eussent formé des centaines de vergues de navires croisées au-dessus de nous, faisait une ombre légère sur l'avenue dont l'herbe soulevait la neige en touffes mousseuses. Des branches mortes pendaient çà et là, presque détachées du tronc, retenues par un bout d'écorce. Je me rappelais les palais enchantés des contes de fées. Pas un oiseau ne s'envolait sur notre passage. Des corneilles grises nous regardaient, tendant le bec du haut des chênes. Nous nous taisions. Cependant, si léger que fût le glissement des roues dans la neige, un concert d'aboiements éclata tout à coup. Le chenil de M. de Sombrehoux signalait furieusement notre arrivée. Presque aussitôt, dans une clairière étroite et ronde, toute pressée par les bois, nous aperçûmes le château. Des murs bas, un toit très long, une simple maison ancienne, remarquable par sa seule étendue et par la profusion des vignes vierges qui cachaient ses lézardes. M. de Sombrehoux sortit au bruit que fit le cheval en s'ébrouant. Il était vêtu d'une peau de loup gris et botté pour la chasse ou la promenade. D'un coup de cloche, il prévint un domestique, un jeune gars de 15 ans, à peine échappé d'une ferme voisine, et, lui laissant la garde de notre équipage, il ouvrit la porte ogivale en noyer massif qui rompait l'alignement des 10 fenêtres. À mon père, il serra la main. À moi, il fit un sourire. Mais quand il vit la petite, qu'il n'avait pas encore aperçue, et qu'on aurait pu prendre pour une grosse boule de neige, tant elle était enveloppée et cachée dans les châles maternels, il se baissa, mit sa grande barbe blonde à la hauteur du visage rose de l'enfant, et ne parut plus se souvenir de nous. Ses traits se détendirent. L'expression de tristesse habituelle de sa physionomie disparut presque. Doucement, il s'empara de la main rose glissée sous les plis de la laine. « Mademoiselle, dit-il, vous êtes bien aimable de ne m'avoir pas oublié et de me rendre ma visite. Vous ne pouvez pas savoir le bien que cela me fait de recevoir un enfant. Vous me rappelez des jours que je ne reverrai plus, et si heureux, si calme, les seuls. »« Qui sait, fit mon père, dans quelques années. » Nous ne comprenions pas, ni elle, ni moi. Il continua de la tenir par la main. La prit sur ses genoux pour qu'elle se chauffât mieux devant le feu où brûlaient 5 branches de cerisier sauvage, lui expliqua le sujet des tapisseries de Flandre qui revêtaient les murs du salon, combat de coq, lutte de centaure, délivrance d'Andromède et chasse de fauconnier. remonta pour elle la sonnerie d'une horloge antique qui chantait « Vive Henri IV !» et ne la quitta pas pendant la promenade que nous fîmes autour du château, au chenil, aux écuries, le long d'une allée du parc où la neige avait été balayée. Les mots de l'enfant l'amusaient. Il avait l'air d'écouter une musique lointaine quand elle parlait et de sourire à quelque chose de passé. Autour du château, on ne voyait personne. Des toits de ferme, bas et couverts de neige, pareils à deux feuillets d'un livre ouvert, luisaient dans les profondeurs des allées d'arbres, à l'endroit où les bois finissaient. « Quel beau domaine !» dit mon père. « 12 fermes d'attenants, des fermiers qui disent des neuvaines pour obtenir de vivre sur vos terres, qui ne vous volent pas et ne vous jalousent pas. On serait heureux à moins. Et vous avez de plus une fille charmante. »« Hélas, monsieur !» dit monsieur de Sombrehoux. « Déjà grande, trop grande. Moi, j'envie à leur père les toutes petites que je rencontre. » Il leva la tête vers une fenêtre de l'étage, semblable à toutes les autres, voilée d'un rideau de mousseline, regarda ensuite ma sœur et soupira. Quand nous fûmes rentrés dans le salon, un grand samovar de cuivre jaune fumait sur une table. Mais il n'y avait personne. Les 2 centaures de la tapisserie brandissaient seuls leur massue immobile. Les coqs rouges se défiaient, le faucon planait au-dessus de la colombe. Et Andromède pleurait toujours. Monsieur de Sombrehoux enlevait sa fourrure de loup gris. Une main repoussa les plis d'une portière au fond de l'appartement, et elle était si blanche dans l'ombre que je crus voir un éclair. Une jeune fille entra. Je ne sais plus quelle robe elle portait, ni quelle était la mode de cette année-là, et je crois que je ne l'ai jamais su. Elle avait, ce qui ne s'achète point, une grâce souveraine, une tête un peu fière avec des yeux très simples, très doux, et des cheveux blonds si pâles qu'ils ressemblaient, au point où la lumière les frappait, à la fourrure du loup gris. Une parenté l'unissait certainement aux belles dames des légendes, aux vierges qui tiennent des fleurs dans les tableaux mystiques, à celles encore qui ont des pages derrière elles pour porter leurs longs voiles. « C'est la princesse, » pensais-je, et, toute princesse qu'elle était, elle offrit le thé, le sucre, une assiette de petits gâteaux, le plus aimablement du monde, mais parlant à peine. Puis, quand elle eut fini de nous servir, elle présenta une tasse à son père. Il refusa. Tous deux se regardèrent. Le petit sourire qu'elle avait eu pour nous tomba. Monsieur de Sombrehoux prit un air si malheureux que je crus qu'il allait pleurer. Il ne lui parla pas, mais il fut, de ce moment, uniquement occupé d'elle. On eût dit qu'elle lui avait volé l'âme en le regardant. Nous le quittâmes sans qu'il songeât même à embrasser la petite, qui attendait et s'étonnait de ce brusque changement. Notre visite à Sombrehoux nous laissa dans l'esprit 3 souvenirs, 3 images qui ne s'effacèrent plus. Le seul nom de Sombrehoux les évoquait ensemble et nous donnait l'impression d'une grande neige blanche sur la forêt, d'une jeune fille blonde et d'une pelisse de loup gris. Or, il revint fréquemment dans les conversations du pays tout entier, pendant l'année qui suivit, et j'appris ce que je vais dire. Mademoiselle Catherine de la Brèche de Sombrehoux sortait du couvent. Son père l'y avait mise pour 2 ans seulement, afin qu'elle complétât l'instruction qu'elle avait déjà reçue d'institutrices de divers pays et qu'elle pût développer, à l'abri des louanges, les dons heureux qu'elle possédait. L'esprit, la promptitude de l'imagination, une volonté constante d'être aimable et de répandre autour d'elle la joie qu'elle se sentait dans l'âme. D'où venait cette joie, chez une enfant élevée seule, à la campagne, parmi les bois? Les sources coulent où Dieu veut. Celle-là coulait à plein bord. C'est tout ce qu'on peut dire. Or, il est rare qu'un si grand charme, quelque effort qu'on fasse pour le cacher, et le mit-on dans un couvent, reste longtemps inaperçu. Catherine de Sombrehoux était à peine rentrée au château paternel, qu'elle fut demandée en mariage par un sous-lieutenant qui était en garnison bien loin, tout près de Paris. Le père en éprouva une violente douleur. « Attends seulement quelques années, dit-il, toi qui es toute ma vie. je te donnerai un cheval, un fusil, des chiens, des livres, et je renoncerai à mes chasses pour suivre les tiennes. Pense à toute la jeunesse que tu as devant toi, et donne-m'en un peu avant que d'autres ne s'en emparent. Vivons tous deux, tout seuls, nous serons heureux. » Elle eut le cheval, le fusil, les chiens. Mais elle commença à pleurer tous les jours. Elle ne pleurait pas devant son père, même elle avait encore ce petit sourire que nous avions vu. Mais la joie pleine, débordante, qui met une lumière dans les yeux, s'était envolée tout à coup. 20 fois le jour, son père cherchait le regard d'autrefois, et ne le trouvait plus. Elle avait beau s'appliquer, il y manquait toujours quelque chose. Vers le milieu de l'été, monsieur de Sombrehoux lui dit : « Je vois que tu es triste, Catherine. Sache donc la première des 3 raisons qui ne me permettent pas de consentir à ton mariage. Je ne puis pas vivre loin de Sombrehoux, et je ne puis pas vivre sans toi. Que deviendrai-je quand tu seras parti? Et après moi, que deviendra ma terre sans un maître qui l'habite et qui l'aime ?»« Nous l'habiterons, répondit Catherine, je m'y engage. » Il soupira et laissa passer les mois. Un soir d'automne, un de ces soirs très doux qui portent au rêve l'âme des chasseurs, il rentra l'air songeur et dit, en débouclant ses guêtres auxquelles étaient collées des feuilles de chêne, « Catherine, les jeunes gens d'aujourd'hui n'aiment pas les arbres. Ils les abattent pour s'en faire des revenus. Tant que je vivrai, pas un de mes chênes ne tombera. Et, sans le produit qu'ils me donneraient, je suis pauvre, ma petite. » « Il est riche pour deux, dit Catherine, et nous respecterons vos arbres. » Monsieur de Sombrehoux soupira encore et ajouta seulement, « Est-il possible de vivre ailleurs? Mais futé embaumait ce soir comme les prés au printemps. » Et l'automne passa. Une nuit d'hiver, à la veillée, mademoiselle de Sombrehoux était assise à côté de son père. Celui-ci, qui remuait les débris d'un feu de brande, commença par soupirer, comme s'il pressentait, cette fois, la dernière défaite. « Ma Catherine, fit-il, j'ai une chose encore à te dire. J'ai traité si humainement mes fermiers qu'ils me payent mal, et que plusieurs ne me payent pas. Je loue mes terres à peine la moitié du prix que l'on demande pour les terres voisines. Je ne le regrette point, car on m'aime. Rien ne vaut cela. Mais en vérité, je n'ai pas de quoi faire face aux dépenses d'un trousseau et d'un mariage. Il faudrait emprunter ou vendre ce qui n'est pas dans mon usage. » Catherine de Sombrehoux ne répondit rien, mais elle sourit de son vrai sourire d'autrefois. Dès le lendemain, elle monta à cheval, se rendit à la ferme de la Soleil, qui était la plus considérable, et vit, sur la croupe d'un guéret, le fermier qui labourait avec ses 8 grands bœufs. « Jean-Guillaume, lui dit-elle, de père en fils, vous avez été nos amis. Mon père a si bien agi avec vous et les autres du domaine qu'aujourd'hui il ne veut pas que je me marie. Il n'a pas de quoi faire face aux dépenses des noces sans emprunter ou vendre. Jean-Guillaume, si les termes arriérés sont payés à mon père, foi de Sombrehoux, je ne quitterai jamais le château et je ne vous augmenterai pas. » Les 8 bœufs soufflaient sur le guéret ouvert. Le bonhomme leva son chapeau et répondit, considérant son harnais, « Ainsi soit-il. » Monsieur de Sombrehoux fut bien étonné, la semaine suivante, de voir arriver au château le métayer de la Soleil qui lui dit, « Notre maître, j'étais en retard. J'ai vendu une paire de bœufs, mais 2 plus beaux, et voilà le prix. » Puis ce fut le tour du métayer de Chanteloup qui dit, « Dans le fond d'un tiroir, j'ai retrouvé 2 écus. C'est pour marier ma fille, mais je vous les dois. Mariez la vôtre. » Ceux de la Hautière, de la vallée de la Landefou et du bois Groslier vinrent de même, avec 2 vieux sacs où des porte-monnaies remplis d'argent se libéraient d'une part de leurs dettes. Le closier même de la rive au Loup, qu'on savait insolvable et malheureux, apparut aux yeux émerveillés du châtelain. « Je n'ai pas de quoi payer ma ferme, dit-il, mais cette année, mes volailles ont réussi, et si notre demoiselle se marie, je donnerai 100 jeunes poulettes au lieu d'argent pour le repas de noces. » Cette fois-là fut la dernière où l'on surprit à pleurer le châtelain de Sombrehoux. il n'eut plus le courage de rencontrer, sans céder, le regard de sa fille. « Va-t'en leur dire que je consens, » fit-il, « et que c'est eux qui t'ont marié. En vérité, si j'avais deux filles, ils me feraient des avances. » Alors, sûr de garder sa fille, sa forêt et son renom, si chèrement acquis, le bienfaiteur du pays, M. de Sombrehoux, sembla renaître. On le vit de nouveau passer, à pied ou à cheval, dans les avenues des châteaux voisins. Il reprit goût à l'affût des bécasses qu'il avait délaissées. On l'entendit parler de la chasse aux lièvres qu'il disait ne plus aimer. On le vit même faire une chose étrange qui fut 3 mois inexpliquée. Les noces avaient été fixées au commencement de l'été. Dès le début avril, chaque matin, M. de Sombrehoux quittait le château et prenait la même direction, en défendant à sa fille de l'accompagner. Il emportait une paire de sacs de toile, gros comme des sacs à raisins, et une bêche de jardinage. 2 heures après, il revenait avec les sacs tout vides et le visage tout content. Ce qu'il faisait, le vieux châtelain, il allait dans le chemin creux que devait suivre le cortège nuptial pour se rendre à l'église et gratigner la mousse d'un coup de bêche, y jeter quelque chose, remplacer la mousse et recommencer plus loin. L'idée était venue à son cœur original et tendre de fleurir la route de la nouvelle épousée, de tant de fleurs qu'on n'en aurait jamais vu autant, même dans les sentiers de rêve. Il semait à pleine main les anémones, les lys, les réséda, les jacinthes, les marguerites roses et toutes les graines de menues plantes qu'il avait demandées au loin. Et quand 3 mois eurent passé sur les semailles, dans la rayée triomphale de juin, le cortège s'avança par le chemin creux. Nous étions là, ma petite sœur et moi, avec les parents, les amis et la moitié de la paroisse conviés aux noces de la châtelaine. Monsieur de Sombrehoux n'avait plus sa pelisse de loup gris, ni son air triste. Il s'avançait, rayonnant, le premier, donnant le bras à sa fille, qui ressemblait à une reine toute blanche. Au-dessus d'eux, au-dessus de nous ensuite, des lys croisaient leurs tiges et mêlaient leurs parfums. Sur le revers des talus, des anémones rampaient parmi les jacinthes bleues. Des bancs de réséda, des tulipes tardives se levaient sous les ronces, et des milliers de volubilis grimpaient le long des troncs d'arbres, enroulés autour des branches, agités par le vent comme des cloches en branle, criblés de leurs fleurs d'un jour les larges plis des chênes. Partout, les gens du pays, ceux de la Solaye, de la Hautière, du Bois Grolier et de bien d'autres fermes encore, tiraient des coups de fusil, se pressaient aux barrières, montaient sur les talus pour voir, jusqu'à écraser les lys blancs. « Que c'est joli !» disait Catherine de Sombrehoux, « ce chemin qui a fleuri pour moi. »« Que c'est beau !» disait mon père derrière nous, « cette noce de riche qui met en joie tant de pauvres gens. »